بسم الله الرحمن الرحيم. طيب درس الماضي كملنا أي باب؟ أيوة الحمزة متوسطة. الحمزة في الجدمة. Et comme je te l'ai dit, c'est le bab le plus, on va dire, le complexe. Al-Baqis al-Jiddan, inshallah. Le complexe, c'est ça, c'est le Hamza Mutawassita. Le Hamza Ibtidaïa, c'est le Hamza Tawassil, le Hamza Tawassil. Le Hamza Tawassil, tu mets les harakats qui va avec. Le Hamza Tawassil, à la base, c'est une kasra. Tamam. Voilà, c'est ça. Taïb, mal tafsil, le dit à Khazna, fait kitabat. الحمزة على الألف على سورة الألف وصفة يكون على الألف يكون محل فتح الصف إذا كانت مفتوحة و و فقط مفتوحة وليس مسبوق بكسرة ولا بيا أيوة ولا دماء و واو ما أضعف ال والثاني ان يكون ساكن صح ومسبوق مسبوق بالفتحه ايوه وليس مكسور وليس ما مذموم عادي فعاليتي سي تكون كل الترتيب دي لا فورس دي حركات كسره ياء ضمه واو فتحه الف تون الترتيب اقول لو ريست تاريف ابو الحمد لله اسيميلي. طيب أخذنا استثناءات عند توالي الأمثال بس كنا دو لتر كي سون رونكونتر يعني الكرسي الحمزة ومن جنس الحرف الذي يسبقه يتي بعده وهو ساكن كما هو فاهم يعني يحذف صح هذا بتكري عن حمزة سوى انضمة انضمة سوى ان واو d'accord et le précédé par un autre واو ou suivi par un autre واو ساكن qu'est-ce qu'on fait à la sotre. Naam. On a dit encore une condition. Yashtarit. Aywa, ça on vient de le dire là, sakin al waw. Wa kadhalik. An la yumkin ittisal ma qabl al hamza bima ba'd al hamza. Aywa. Il y a deux lettres qu'on pas pu s'attacher. Sinon on doit s'attacher, on aurait dû faire quoi? Ah. On l'écrit sur le nabra. Nabra, ahsanta. Tambi, dans des règles, par des kawaid, latina khuzuha al-an, certaines, les sept aït l'orqiha. Là, on prend l'essentiel, il a dit des khilef des fois. Par exemple, ça là, tawil al-amthal, misal salen, ru'us, comment on écrit ru'us, ra, après l'hamza à la sadr, madmoum, après un waw, après un sin. Quand même, t'en as, ils écrivent quand même le Hamza sur le Waw. Ils auront Waman. Tu vas le trouver, ça. Comme Raouf, مثلاً. Raouf. Une asma illa, Raouf. Tu vas voir, certains vont écrire le Hamza sur un Waw, après mettre le deuxième Waw, et après le Sin. Le Fait, à fond. T'en as, ils vont mettre le Hamza sur le Satr, le Waw derrière. Tu peux trouver le, des gens qui. La Qaïda n'est pas appliquée. C'est qu'il y a un khilef dedans. Et là, c'est pas Mutlaqan. C'est pas Mutlaqan. Il y a des petites règles, des fois, il se peut que. لا توافق ما ما اخذت في هذا الدرس بذاته après c'est le tawassur dans le ilm connaître les khilaf le rajih le awla كذا طيب واخذنا مع ذلك كذلك المد لا المد كان من قبل خلاص اخذنا هذا الان نخوض الحمزه المتطرفه الحمزه توت متطرفه يعني الحمزه en fin de mot وسهل نوبون également اسم المنون المنصوب ان شاء الله قال ثانيا الحمزه المتطرفه متطرفه من الطرف طرف اللي بده شوز الحمزه المتطرفه هي التي تاتي في اخر كلمه qui vient en fin de mot قاعده رسم الحمزه المتطرفه c'est quoi la règle ترسم الحمزة في طرف الكلمة على صورة حرف يناسب حركة ما قبلها. Simplement. Tu l'écris sur la lettre qui correspond à la حركة qui la devance, qui la précède. معناها si elle est مكسور comme le Hamza, tu vas écrire sur un. Si elle est madmoum comme le Hamza, tu écris sur un. Si elle est maftou comme le Hamza, tu écris sur un. Alamis. قال ترسم الحمزة المتطرفة على صورة الياء إذا كان ما قبلها مكسورا كما هو النجاح سين كسرة كي دفن نحو شاطئ ما تشوى شاطئ الحمزة مكتوب على الياء لأن الطاء قبلها مكسورة نعم سيء يبرئ يبدئ ينشئ يخطئ يناوئ فتئ خاسئ دافئ بارئ في الشاطئ في الشاطئ جئ لم يجئ لم يفئ لم يسئ لم يذئ ولم يهنئ أو يهيئ عفوا لم يهيئ هذا الأول ثانيا على صورة الواو إذا كان ما قبلها مضموم صورة الواو سكي دفن مضموم نحو جؤجؤن أتلألؤ أتكافؤ يجرؤ ويجرؤ جرؤ بطؤ من لؤلؤ في اللؤلؤ لم يجرؤ تمام فهنا تشوف بيان كل حمزة ميم سي لي ساكن داكور Il s'écrit sur le waouh parce que la lettre qui est, de, qui est devant, elle est madmoum. L'autre pareil. On ne regarde pas la harakat du hamza, on regarde la harakat du mot qui le précède, de la lettre qui le précède. Là, tu as pu voir, mais ça donne un exemple de khasi'a. C'est quoi la harakat du hamza? Fatha. On a appris kazalik, yunchi'u. C'est quoi la haraka du Hamza? Dhamma. On a écrit Ji. C'est quoi la haraka du Hamza? Sukun. Ce qui est important, c'est de regarder la haraka du harf qui est avant le Hamza. Tursamu ala surat al-alif idha kana ma qablaha maftouha. Taïeb, sur un alif, ce qui présente est maftouha. Nahu malja'un yabda'u yansha'u مبدأ بدأ من ملجأ من مبدأ يومك يومك طيب مبدأ يومك نعم يبقى من مبدأ يومك لم ينشأ دونك لا حمزة مكتوب على الألف بس كيف كان دفن سي مفتوح خلاص هذه قاعدة عامة maintenant il y a un cas il est simple كذلك قال رابعا ترسم على السطر طيب sur la ligne إذا كان ما قبلها ساكنا سين كوسيدي بان حرف ساكن سكون تكري الحمزة في السطر تو سامبلومون مثلا بدء برء جزء كفء ملء نشأ بناء نشوء نشوء هدوء ضوء شيء جريء بريء يجيء يفيء يسيء يضيء دواء جاء في السماء في الصحراء et certains mots font exception à la règle ça c'est la règle de base وقال وكذلك تبوؤ طيب تبوؤ نفن تبوؤ ترسم حمزتها على السطر لتولي الأمثال والله أعلم لأن هذا تبوؤ وننشد صلواو والحرف مشدد عبارة عن حرفين على بس يكون دواو en fait المتحرك c'est lequel الثاني على بس c'est ça نعم parce que lui خالف la règle Normalement, ça aurait dû être le premier waou qui est sakin et le deuxième qui est mutaharrik, madmoum. Donc là, normalement, il aurait dû prendre quelle règle? Il aurait dû être écrit sur le waou. Mais pourquoi on ne l'écrit pas sur le waou? Parce qu'on aura deux waou d'affilée. Belle, on aura trois waou d'affilée. Mais là, sans regarder le waou qui est dans la shadda, si là on écrit le le hamza sur un waou. Waou à quoi? De waou d'affilée. Mais le problème, ce qu'on avait dit quoi, c'est que si le waou, il est, faut qu'il soit sakin, là il est mutaharrik. Donc là, ça khalaf la règle. Donc là, je ne sais pas pourquoi il a dit, c'est comme ça. Normalement, on aurait peut-être pu l'écrire sur le waou selon les règles. Parce qu'on a dit que, comme short, pour qu'on écrive sur le sotr, on délaisse la harf de base, pour que le harf précédent, il soit sakin. Et là, le harf qui précède le hamza, il est madmoum. Donc, Allah a'lam. C'est une exception également à la règle. طيب مفهوم هذا ان فن لتر بسهل ثم قال الاسم المنون المنصوب الاسم المنون المنصوب يعني الاسم كي منصوب هيك تنوين على الفتحه فتحه يلحق الاسم المنون المنصوب بالف بالف في اخره نحو وكان الله سميعا بصيرا وكان الفا ايش نكتب الف ولا تزاد هذه الالف في اربعه مواضع الان يقول لك à quel moment t'écris le tanwin sur le alif lorsqu'il est mansoub en fin de mot et là la base c'est comme ça maintenant tu vas te donner trois situations quatre situations dans lesquelles la fatha ne s'écrit pas sur le alif il y a pas d'alif à la fin du mot qui est mansoub munawwan اولا الاسم المخطوب بتاء مربوطه تاء تانيث مثلا رحمه يا بعد الف ابو التاء تكل التنوين مباشره على التاء نعمه زهره تمام لا الالف مش كيبا ده البروميير ثاني الاسم مكسور ما هو الاسم مكسور والاسم الذي اخره الف لازم مفتوح ما قبلها كم الفتاء موسى وكذا فهذا الاسم À la base, l'haraka est mukaddara. Donc, il n'y a pas d'alif. Misl, fata, huda, asa, rida, ula. Thalithan, l'ism al-makhtum bi hamzati à la surat alif. Quand même, le ism, dont le dernier mot, c'est un hamza, qui est sur un alif. Misl, makhba'an, mabda'an, naba'an. Parce qu'on ne pourra pas mettre un deuxième alif derrière. رابع الاسم المختوم بحمزه على السطر قبل الف لا سي دو كوين بوين دو ديرني لا وي فيني بوين لا مانون لا ريغ دو حمزه متطرفه دونك سي لو كو سي الحمزه اللي يكري سو لا ليني اون مي با دو الف derrière الاسم المختوم بحمزه على السطر قبلها الف اي كونديسيون il faut que ce précède un alif maintenant S'il n'est pas posé dans un alif, on le met. On le met sur quoi? Sur le nabra. Mais salut, regarde. La koul, dawa an. En al tanwin, al al hamza. Shifa an. En al tanwin, al al hamza. Sama an. Bina an. Khiba an. Fouma ya koul, et là c'est quel short? Qu'il soit précédé d'un alif. Sur hamza. D'accord. Maintenant, il va donner le ce qui s'oppose à cela. Malhouza, alif al-mansoub, la yughayyir min ism al-hamza al-mutatarrifa. Mesalan, bad'un, takul bad'an, bur'un, takul bur'an, dar'un, takul dar'an, juz'un, takul juz'an, kar'un, takul kar'an. تكافؤ ان تقول تكافؤا شاطئ تقول شاطئا لماذا لان قبل الحمزه معنى الالف يا بعد الف لدى الحمزه دونك اون بو ميت derrière lui là quand il est mansoub un hamza un alif d'accord ce hamza là il est pas précédé d'un alif donc si jamais il est mansoub munawwan on a le droit de mettre le alif derrière contrairement à dawa'an Dawa'in, pourquoi? Parce qu'avant le hamza, on a quoi? Un alif. قال الا اذا رسمت ورسمت على السطر وكان الحرف الذي قبلها يتصل بما بعده فانها ترسم على نبره لتتصل الكلمه فهمت si jamais ce hamza est écrit sur le satr mais que le mot qui est avant le satr avant le hamza peut s'attacher au alif Alors à ce moment-là, on écrit le Hamza sur Nabra. Comme on l'avait pris dans le Hamza Moussaou Sita. Qui vient sur le Waou. On a dit que si jamais ce qui vient avant le Waou, c'est la congestion après le Waou, alors on écrit le Hamza pas sur le Waou, mais sur Nabra. Mais là, c'est pareil. Falen, Bout-un. Takul, Bout-un. Chouf, El Hamza Ina Mektouba. Nabra. على النبرة لماذا؟ parce qu'en fait le, à la base طا vous accrochez au alif si on avait écrit بوت après ان avec le alif derrière le hamza ça aurait fait comme si on avait deux mots donc pour éviter cela ce lips on écrit le hamza sur النبرة شيئون tu dis شيئان هنا الالف الحمزة à la base s'écrit sur le سطر parce que le حرف qui est devant il est ساكن s'il est منصوب il va s'écrire sur le نبرة Pourquoi ? Parce que le ya s'attache au alif, à la base. Ib'un, tu dis ib'an, al-hamza, al-nabra. Khit'un, tu dis khit'an, al-hamza, al-nabra. Tamam ? Par contre, si c'est un alif qui est devant, on a dit quoi ? Comme dawa, hein ? Là, pourquoi est-ce que le alif ne peut s'accrocher à un autre alif qui vient derrière ? Fahimta hada ? Hada sahl. طيب هذا هو الذي ناخذ اليوم ان شاء الله فقط وفي الدرس الاتي لعلي اسالك ايوه عن الحمزه طيب ترى راجع ليس ناخذ كذلك المد في وسط الكلمه انا اقول لك كما قلت لك كما تفا تابون لا ريغل ان اكزامبل بس يكفيني Inch'Allah. Ou il se peut que je te donne un mot et je te demande comment s'écrit le mot. Il se peut que on fasse comme on dit un imtihan. On appelle ça à l'ancienne un contrôle. Fa'ilahuna wa alhamdulillahi rabbil alamin.